tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Algérie, les ineffables mémoires, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Somani Na. Au départ de cette série, il y a des questions sans réponse, des conflits inextricables et héréditaires, et des historiens qui savent qu'à la fin, c'est toujours l'histoire qui gagne. Récit national ou pas, il faut juste attendre. Alors pour commencer, les personnages. Une étudiante qui fait le point, un chercheur qui se questionne, une rapatriée qui doute, un ancien combattant qui revendique, des historiens qui détricotent et un cinéaste qui a exploré. Ensuite, le décor. Des monuments aux morts, des plaques de rue, des souvenirs, des rapports, des mémoires, l'état, des débats houleux, la torture, le pardon, mais de quoi ? Du recul, de la fatalité et de l'optimisme. Aujourd'hui, 4e épisode, on vérifie des choses. Ah bah attends, le livre scolaire 3e. C'est ça, la guerre d'Algérie. Ah, ok, alors, du coup, ça c'est ce que j'ai pas fait. Donc, on peut voir ce que c'est, la guerre d'Algérie et ses mémoires. Officiellement, le terme de guerre d'Algérie n'est reconnu qu'en 99. Là, sinon, on parlait d'événements. Après l'indépendance de l'Algérie, de nombreux mémoires du conflit se constituent, celles des pieds noirs, des harkis, des immigrés algériens et les revendications mémorielles de ces différents groupes entrent souvent en confusion. Ah! Regarde, le 17 octobre 61, un crime d'État. Voilà. Relever les différentes violences commises durant la guerre d'Algérie et identifier leurs cibles. Ok, donc ils en parlent quand même un peu. Et les harkis, du coup. Et les harkis face à l'oubli qui se fondent, du coup, un petit peu... comment dire ça poliment Bref, pas reconnus, quoi, par l'État français. Alors qu'ils sont battus à leur côté. Du coup, ah, mais dis donc, faire l'histoire d'une question socialement vive, l'usage de la torture pendant la guerre d'Algérie. Eh ben ça, c'est trop bien, il n'y avait pas ça avant, ça, je suis sûre. Bah dis donc, est-ce qu'on nous parle de Jean-Marie Le Pen? Voilà, il parle du long silence de l'armée. Mais du coup, on l'a pas fait en cours, donc voilà. Nous, on a fait... bah, on a fait les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, on n'a pas du tout vu ça. Et je crois que sur les... Je sais pas, on devait être... Les 5 terminales, il y en a genre une qui a fait la guerre d'Algérie, quoi. Zoé, ma fille aînée, contradictrice, débatteuse, oratrice, le sait bien. La mémoire, ça n'est pas l'histoire. Ça serait trop facile. Alors comment concilier les mémoires individuelles, subjectives, incomplètes et mythologisées, communautarisées, à celles consignées dans les livres scolaires? Un récit national mouvant, au gré des alternances et du courage politique, des enjeux électoraux et de l'évolution historiographique. Comment faire sens avec la réalité objective des faits et la subjectivité de ceux qui les ont vécus? Affaires intérieures pour les uns, problèmes, questions, drames ou tragédies pour les autres, guerre, guerre coloniale, guerre sans visage pour certains. La diversité dans la manière de nommer les événements vécus est révélatrice des tensions que cette histoire alimente encore aujourd'hui. Car elle provoque simultanément dans l'opinion publique des sursauts passéistes et des prises de conscience douloureuses, consacre des clivages politiques et agit à la manière d'un révélateur des distorsions idéologiques à l'intérieur de la communauté nationale. Le rapport de Benjamin Stora, consacré à la mémoire de la guerre d'Algérie et de la colonisation, remis à Emmanuel Macron le 20 janvier 2021, sera-t-il en mesure de mettre enfin un terme à cette guerre des mémoires ? Algérie, les ineffables mémoires, récits individuels et récits nationaux. Alain Lefkovitch, Somani Na. Aujourd'hui, là, on a 25 ans, on veut découvrir cette histoire-là. Max-Paul Morin, chercheur en sciences politiques. On va dans la bibliothèque et on cherche, voilà, on lit Stora, on fait ça, mais on fait ça tout seul. Donc il n'y a pas de musée, il n'y a pas de fondation. Enfin, il y a une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, mais on pourra en parler, c'est quand même un repère plutôt de nostalgique et qui ne travaille pas du tout ces questions-là. Voilà, ça montre que pour aider la société française à se mettre au travail, à faire ce travail-là, bah, il manque des structures. Depuis peu de temps, il y a la guerre d'Algérie au programme de l'éducation nationale. Eliette Paris. À la demande de certains établissements, on va témoigner dans les collèges et les lycées. Et donc, les étudiants, ils ont entre 15 ans et 17 ans à peu près. ils font d'abord avec leurs professeurs le cours d'histoire. Donc les professeurs leur enseignent l'histoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Et ensuite, nous venons témoigner devant les élèves dans ces lycées. Et donc, chacun raconte son histoire, comment il a vécu cette guerre. Donc le FLN raconte pourquoi il a pris les armes contre la France, le Harki pourquoi il s'est engagé dans l'armée française contre ses frères algériens, voilà. La juive de Constantine, elle explique que sa famille était là depuis 6 siècles, qu'à la maison on parlait arabe. Donc moi je raconte mon histoire et la plaie raconte son histoire. C'est possible de réconcilier les mémoires de l'Algérie, c'est-à-dire la vôtre, celle des Harkis, celle des rapatriés, celle des pieds noirs, celle des Algériens. Ça, c'est une entreprise très délicate et très difficile. Jean-Claude Guérin. Concernant les Harkis, ils ne veulent pas, semble-t-il, reconnaître la FNACA. FNACA, Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie. La raison essentielle, c'est que nous tenons à commémorer nos morts à la date du 19 mars 1962. La date du cessez-le-feu en Algérie, à midi. Et les Algériens ne reconnaissent pas cette date-là, forcément. Et les pieds noirs, les Européens qui étaient en Algérie à l'époque, et on continue de les appeler les pieds noirs, oui, évidemment, le 19 mars, c'était une année de souffrance. J'ai entendu dire Rosemarie Antoine, qui était la directrice de l'ONAC national. ONAC, Office national des anciens combattants. De dire que pour elle, ce jour-là, elle était sur un bateau qui quittait l'Algérie. Elle était triste, alors que les trois quarts des gens qui étaient sur le bateau, c'était des soldats qui rentraient en France et qui étaient plus que joyeux de rentrer. Et évidemment, donc voilà la situation et qui perdure. La guerre de libération nationale en elle-même. Hosni Kitouni, historien. Elle a laissé des traces terribles. Avec les disparus, avec la torture, des choses qui sont absolument innommables, qui malheureusement continuent d'entretenir la mémoire, notamment chez les personnes qui ont vécu cette période-là. Je me rappelle qu'en 1972, je voulais partir en France. Et ma mère me dit « Comment ça, tu vas partir en France ?» Je dis « Oui, je vais partir en France, je suis très... » Elle me dit « Comment tu oses partir au pays qui a tué ton père ?» Tu as vraiment ce courage d'aller vivre parmi eux. Donc moi, j'ai aucune espèce de remontrance ou de reproche à faire au peuple français en tant que peuple. Bien, à l'État français, là, évidemment, oui. Et quand ma mère me dit qu'il faut pas aller en France, moi, je ne vais pas chez l'État français. Moi, je vais vivre dans un pays parmi des gens qui n'ont rien à voir avec mon histoire, avec la colonisation. Pour l'Algérie, la guerre d'indépendance, c'est quand même le grand événement fondateur. Malika Rahal, historienne. De fait, la guerre donne naissance à l'État algérien moderne et donne naissance au pays tel qu'on le connaît aujourd'hui. Elle a impliqué des centaines de milliers de combattants. Elle a fait des centaines de milliers de victimes. En réalité, d'une façon ou d'une autre, elle a concerné tout le monde. Avec tout ça, naissent évidemment un certain nombre de récits et un certain nombre de mythes qui correspondent au vécu de la population au sortir de la guerre. Par exemple, au cœur du récit algérien de la guerre, vous avez la question des martyrs, parce que au sortir de la guerre, presque toutes les familles en fait, sont concernées par le fait d'avoir un plusieurs morts. Un certain nombre d'entre elles aussi ont des disparus. Et beaucoup de familles aussi ont été touchées par le fait d'avoir parfois certains de leurs membres ou certains de leurs proches ou des voisins qui ont pris l'autre partie. Donc il y a aussi une dimension de guerre civile qui est également très fort côté algérien et qui du coup irrigue un peu le mythe. Et en même temps, côté algérien aussi, on a une forte dimension d'oubli, de nouveau et de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a un effort tout de même étonnant dans les années qui suivent la guerre, mais dès 1962, pour essayer de ne pas dire un certain nombre de choses. Et la France a fait comme plein de pays après un conflit, surtout à cette époque-là où on n'avait pas tellement d'autres outils, elle est passée par des phases d'oubli. Cet oubli a permis à des criminels d'être pardonnés d'emblée de leurs crimes, notamment ceux qui ont procédé à la torture, ceux qui ont procédé aux disparitions forcées, ceux qui ont procédé à des massacres. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est-à-dire, comment on pense le fait que, quand même, le répertoire de choses qu'on sait faire à la sortie d'une guerre pour réparer, il n'est pas infini, on n'a pas un milliard de solutions. Donc on a utilisé celle-là, et quelque part, il fallait bien. Et en même temps, ça nous pose aujourd'hui des problèmes qui sont des problèmes sans fin. Comment on fait pour un peu réouvrir la situation et dire des choses qui n'ont pas été dites, sans réouvrir la guerre elle-même, en fait? Je ne sais pas ce qu'on peut célébrer. Gérard Mordilla, cinéaste et écrivain. Parce que on ne célèbre pas les accords d'Évian, on ne célèbre pas la fin de la guerre d'Algérie, puisqu'on n'a jamais reconnu que ce soit une guerre. On reste avec, finalement, une sorte de brouillard dans lequel chacun cherche de distinguer les figures dans lesquelles il peut se reconnaître. Et je crois que c'est ça, et qu'on n'y aura jamais. Fort heureusement, je crois qu'il y a eu quand même moins de morts, enfin si on additionne les morts algériens et les morts français, ça en fait quand même quelques millions sans doute, mais moins que pendant la guerre de 14-18, et que ça ne fait qu'augmenter cette douleur, parce qu'il n'y a pas de deuil de quelque chose qui n'a pas disparu. Ou alors, il y a une sorte de faux deuil, de sorte de choses qui auraient dû mourir, qui n'est pas morte et qui est là devant vos yeux, sans que l'on sache réellement quoi en faire. Et je crois que c'est ça la question qui se pose avec la guerre d'Algérie. C'est que faire de cette guerre? Comment la transformer politiquement, historiquement, comment l'assumer ou au contraire la récuser? Ça reste une sorte d'iceberg dans notre histoire jusqu'au moment où soit on l'évitera, soit on se fracassera contre lui. Chaque homme, chaque femme a aussi la mémoire de ses racines. Thierry Rolando, président du Cercle algérianiste. D'ailleurs, on ne reproche pas aux Algériens qui aussi, au bout de 60 ans, ont des revendications de le faire. Je n'ai jamais entendu d'ailleurs un journaliste le leur reprocher. Donc comment ce qui serait bon pour les uns serait mal pour les autres? Les Français d'Algérie, ben, ils ont eu des souffrances. Et si vous voulez, comme elles n'ont pas été reconnues, et comme elles sont aussi, il faut bien le dire quand même, niées et brocardées, bon, on sait bien que dans ce domaine-là, il y a quand même une pensée unique dominante. Et c'est ça qui forge, si vous voulez, cette douleur intérieure. Et il est clair que ben, quand une douleur n'est pas reconnue, elle n'est d'ailleurs toujours pas au plus haut sommet de l'État, puisqu'Emmanuel Macron s'est adressé dans cette question de l'Algérie à beaucoup de strates de mémoire, mais la seule qu'il n'a jamais prise en compte, c'est celle des Français d'Algérie. Et d'ailleurs, le rapport Stora en est l'illustration, puisque effectivement, on s'intéresse aux Algériens, on s'intéresse aux combattants algériens. Il va, et fort heureusement, s'adresser aux Harkis le 25 septembre, il serait temps. Il s'est adressé aux militants français de la cause indépendance. Il va s'adresser le 19 mars aux anciens combattants, sachant que tous les anciens combattants ne reconnaissent pas le 19 mars. Et les Français d'Algérie, serais-je tenté de dire, ils s'adressent à eux quand? Une constante du pouvoir politique français depuis 62, ce n'est pas du tout l'absence de politique publique. Sylvie Thénault, historienne. Mais c'est que les politiques publiques existantes ont toujours été des politiques publiques répondant à des mobilisations. Les Français d'Algérie et les anciens combattants, ils ont assez tôt des mesures les concernant, parce qu'ils ont des associations qui revendiquent. Hein. Les anciens combattants, il y a un premier titre de reconnaissance de la nation en 68, il y a une carte d'anciens combattants en 74, et les lois d'aide à l'installation des rapatriés, ça commence dès 62. Et si vous prenez le cas des harkis, pendant très longtemps, ils n'ont pas du tout la même organisation associative. C'est pas qu'il n'y a pas d'association, mais elles sont moins nombreuses, elles sont moins puissantes. Et c'est ce qui explique que les harkis, par rapport aux Français d'Algérie, ont été vraiment délaissés pour compte dans tous les dispositifs d'aide sociale pour tous ces gens venus d'Algérie après l'indépendance. Et il a fallu la grève de la faim et la révolte d'enfants de harkis au camp de Bias, je crois que c'était en 1975, pour que la question surgisse dans l'espace public. Mettez-vous à la place des familles qui ont perdu un, deux ou trois membres. L'État ne s'est jamais penché sur leur sort. On a camouflé leur drame. Et ils n'avaient même pas de lieu de sépulture. Et effectivement, les associations, toutes les associations, le Cercle Algérianiste, effectivement, a lancé l'initiative, mais toutes les associations ont lancé une grande souscription pour ériger ce mur à la mémoire des disparus, en tout cas ceux qui étaient connus, parce que, vous savez, aujourd'hui, on découvre toujours, pour la guerre de 14-18, des soldats qui ne sont pas sur les monuments aux morts. C'est un exercice extrêmement complexe de recenser tous les disparus, puisque, évidemment, il n'y a pas de liste préétablie. L'État, à l'époque, a sorti les premières listes qu'il avait décidé de publier, et nous avons, à l'appui de ces premières listes, qui ont été revues d'ailleurs en fonction de la connaissance historique, il y a d'ailleurs des disparus qui n'étaient pas sur les premières listes, qui ont été retrouvés, d'autres dont on a pu retrouver la trace et effectivement qui ont été tout simplement assassinés, donc on a retrouvé le lieu de l'assassinat, donc ils ne sont plus formellement disparus, si on peut dire, ou d'autres qui étaient toujours vivants, mais pour différentes raisons, ils n'ont pas voulu se signaler. Mais ce lieu, qui a été visité quand même par lors de l'inauguration, 8000 personnes, dont d'innombrables familles de disparus, eh bien, il représente tout simplement le seul lieu mémoriel et de sépulture, tout simplement, de ces milliers de Français d'Algérie qui ont disparu à tout jamais en Algérie, dont on ne sait pas effectivement où ils sont et ce qu'ils sont devenus. La problématique des disparus est une vraie problématique. Roger Hillel, ancien professeur d'université, membre du Parti communiste. En quoi on pouvait s'opposer à ce mur des disparus ? Le problème, c'était que nous avions connaissance du projet. Il y avait eu un texte qui avait été publié par la mairie. Et nous savions que ce mur serait édifié en hommage aux seuls Français d'Algérie disparus. Uniquement les Français d'Algérie. Et en excluant tous les Français d'Algérie qui s'étaient battus aux côtés du FLN. FLN, Front National de Libération. Au début, nous étions contre le mur, vraiment, radicalement contre. Et puis, peu à peu, dans le combat, dans la lutte, comme on n'était pas tout à fait des abrutis, on s'est mis à travailler les documents, à se renseigner, et nous avons effectivement vérifié cette liste qui avait été publiée par le ministère des anciens combattants, et nous avons découvert que dans cette liste, il y avait aussi des membres de l'OAS. OAS, Organisation de l'Armée Secrète. Qui étaient inclus dans cette liste, alors que le projet de la mairie, j'entends, de donner les noms des disparus civils qui n'avaient pas été impliqués dans des combats, dans des guérillas. Cette histoire, elle s'est bâtie sur des mythes. Alors, il y a le mythe fabriqué par les harkis, le mythe fabriqué par les Algériens eux-mêmes, le mythe fabriqué par les pieds noirs, ce qu'on appelle les pieds noirs, et puis ceux fabriqués, en tout cas, par les anciens combattants. D'une certaine façon, vous posez la question qui nous mettrait mal à l'aise, les historiens, au fond, parce que on s'est donné comme tâche depuis plusieurs dizaines d'années, de déconstruire un peu ces mythes et de montrer comment les mythes renforcent les sociétés, servent parfois à cacher des réalités qui sont plus complexes, et on aime bien les défaire. Mais aussi, on a appris de la sociologie, de l'anthropologie, que ces mythes, ils sont aussi nécessaires à une société. C'est-à-dire qu'on peut les critiquer et les défaire, mais à un moment donné, ce sont eux qui nous forgent. Donc la question, c'est jusqu'où est-ce qu'on déconstruit, au fond? On va avoir besoin aussi de choses qui sont de l'ordre de la croyance et du mythe pour fabriquer du lien entre nous. Et du coup, quels sont les mythes qui sont acceptables et quels sont ceux qui ne le sont pas? Quels sont ceux qui peuvent être déconstruits? Quels sont ceux qui doivent en quelque sorte tenir, ou par quoi on peut les remplacer? Mais oui, on est dans une situation où on est dans une confrontation de récits collectifs qui sont différents. Il faut imaginer que ce pays est coupé d'une énorme partie de ce qu'il a considéré comme étant lui-même. L'Algérie, c'était la France. Donc se couper de l'Algérie, c'est se couper d'un énorme morceau de soi-même, et ça nécessite de tout repenser. Donc ça fait partie des récits de la reconstruction de soi, en fait. Il faut pouvoir distinguer l'histoire et la mémoire. Il faut pouvoir penser la possibilité d'écrire l'histoire de sorte qu'elle ne soit pas soumise à des enjeux de mémoire, qu'elle soit réflexive, qu'elle soit critique, qu'elle s'interroge sur sa propre posture, hein, que les historiens se demandent comment ils en viennent aux questions d'aujourd'hui ou à la façon de regarder les choses d'aujourd'hui, mais qu'il ne soit pas nécessairement soumis à des groupes dont ils cherchent à satisfaire un peu la vision sur le passé. Il y a des interactions entre ce qui se passe chez des individus et ce qui se passe dans la société. Il y a des moments où la société permet une libération de la parole, et puis il y a des moments où elle ne le permet pas parce que les gens se sentent isolés avec leur vécu. Sur les moments où la parole peut s'y libérer, il y a le moment des années 2000 quand le général Osares a publié Services spéciaux, et puis qu'il y a eu toute la polémique dans les médias. Beaucoup d'anciens combattants à ce moment-là se sont mis à parler de leur guerre alors qu'ils ne l'avaient pas fait auparavant, et il y avait ce sentiment que l'existence d'une parole dans les médias et dans la sphère publique les autorisait eux aussi à parler. Ça relativise aussi le poids des travaux des historiens, parce que en fait, en dépit de tous nos efforts pour écrire cette histoire et puis essayer de la communiquer en dehors des cercles universitaires, on n'a pas du tout l'impact que peut avoir un acteur comme Osares sortant ses mémoires. Et en 2000, il s'est passé quelque chose lié à une coïncidence totale. C'est que à ce moment-là, Raphaël Branche soutenait sa thèse sur la torture. Moi, je soutenais ma thèse sur l'exception. En gros, ma thèse, c'est la justice dans la guerre d'Algérie, mais en fait, c'est l'exception et la répression. Et il y a eu une coïncidence qui fait qu'on a réussi, je crois, à avoir un écho que beaucoup d'autres historiens n'ont pas eu. Mais c'est parce que Osares, à ce moment-là, sortait ses mémoires. C'est cette coïncidence-là qui a permis à nos travaux d'avoir un tout petit peu de déco. Sinon, on aurait, comme tout le monde, soutenu nos thèses dans les enceintes universitaires, qui sont des enceintes importantes, et puis on aurait continué à travailler, mais certainement sans avoir la même portée. Le jugement sur l'histoire, il intéresse les Français, comme il intéresse les Algériens. Nous devons, nous, avoir notre propre lecture de la guerre, de la colonisation. Qu'est-ce que la colonisation a représenté pour nous? Quand Benjamin Stora parle de mémoire, ça, je pense qu'il y a une confusion assez forte entre ce que peuvent porter les individus et ce que peuvent porter l'histoire d'une nation, l'histoire d'un pays. Alors, traditionnellement, historiquement, la France a tendance à régler ses problèmes internes en les projetant sur l'extérieur. Et cette fois-ci encore, je pense que les problèmes mémoriels sont des problèmes franco-français. Et on cherche à les résoudre par le biais de l'Algérie. C'est-à-dire en rejetant la responsabilité sur l'Algérie, en disant c'est l'Algérie qui ceci ou cela. Je pense que les questions de mœurs sont à régler d'abord là-bas, comme les questions de mémoire sont à régler aussi ici. Alors on parle de quoi ? On parle d'une mémoire qui de nouveau a la possibilité de s'exprimer, ou est-ce qu'on parle finalement d'une douleur ? Non, je pense pas. Moi, je suis pas un grand fan de toutes les comparaisons, enfin de tout le champ lexical psychanalytique. Max-Paul Morin, chercheur en sciences politiques. Même si je pense que individuellement, bien sûr, dans plein de familles, ça joue, mais quand on parle de mémoire collective, notamment. C'est vraiment le champ de la sociologie ou de la science politique. Il faut politiser les enjeux. Lorsque la droite, en 2005, essaye de faire la loi du 23 février sur l'enseignement positif de la colonisation, on n'est pas dans la psychanalyse, là. Hein. On est dans le champ politique. C'est un discours pour caporaliser les enfants d'immigrés parce qu'il y a eu la révolte dans les banlieues en 2005. Quoi. Donc faut pas se perdre parce que ça dépolitise. Le sarkozysme se construit sur ce projet de réhabilitation coloniale, autour de la loi du 23 février 2005. Et en fait, ça, c'est pas un discours sur le passé. C'est un discours vraiment sur l'immigration, avec l'idée, lorsqu'on garde les débats, c'est les débats à l'Assemblée nationale à ce moment-là, on parle pas de ce qui se passait en Algérie. On parle des enfants d'immigrés qui, aujourd'hui, dans les banlieues, se sont révoltés et à qui il faut dire que la France était belle. Et donc, toute sa campagne de 2007, Sarkozy... fait ce plein de discours sur la repentance, c'est un mot qu'il prononce là 27 fois pendant toute cette campagne, pour imposer le terme dans le débat et empêcher le travail critique sur le passé. Tous les jeunes descendants de militants du FLN ou descendants de harkis ou d'immigrés algériens que j'ai rencontrés, voilà, c'est une histoire où j'ai pas senti de ressentiment. J'ai pas senti cette douleur ou cette difficulté à trouver sa place. Beaucoup de critiques sur le racisme et discrimination, par contre, oui, qui peut être une porte d'entrée, parce que comme ils sont victimes de ça, ils vont du coup chercher quelle est la source. Pourquoi on les regarde avec ces yeux-là. Et donc du coup, là, ils vont se tourner vers la guerre d'Algérie et aller chercher dans cette histoire-là ce qui est à l'origine de ce regard négatif dont ils sont l'objet. C'est quand même un passé qu'on peut utiliser de l'extrême gauche à l'extrême droite et dans tous les sens. Vous pouvez parler du racisme et de l'antiracisme, vous pouvez parler de l'islam, vous pouvez parler de l'immigration, vous pouvez parler de la nation française, de sa grandeur et de ses hontes. Donc ce qu'on appelle la guerre des mémoires, parfois c'est en fait une bataille politique entre des gens qui sont ancrés sur des emplacements différents sur l'échiquier politique et qui en parlent de leur point de vue en la maniant. Sous Hollande, il y a eu une déclaration sur le 17 octobre 1961, qui n'est pas du tout satisfaisante, mais elle existe. On peut faire mieux. Il disait quelque chose comme, de mémoire, « La République reconnaît avec lucidité ses faits ». Donc en gros, que des Algériens ont été massacrés en plein Paris en octobre 61. Le gros déficit de cette reconnaissance, c'est qu'il ne dit pas par qui ils ont été massacrés. Donc en fait, la reconnaissance des responsabilités n'est pas faite. Mais il y avait un pas. Et sur Maurice Audin, avant qu'il y ait une reconnaissance de la responsabilité de l'État par Emmanuel Macron, François Hollande avait fait une déclaration mi-fugue, mi-raisin, je veux dire, c'est un peu à son image, c'est toujours à mi-chemin, il n'est pas allé au bout, disant Maurice Audin est mort durant sa détention. Alors ça paraît très simple comme ça, et c'est très insuffisant, sauf que depuis la guerre, la version officielle, c'est que Audin s'était évadé. Et c'est François Hollande qui, le premier, dit « bah non, cette version officielle est fausse ». Alors non, c'est pas le premier qui le dit depuis la guerre. Pierre Vidal-Naquet, surtout, avait contesté. Donc, tout le monde savait que c'était un mensonge. Audin ne s'est pas évadé. Il a été arrêté, il a été torturé et il est mort entre les mains des militaires. L'armée française est responsable de sa mort. Mais c'est vrai que le quinquennat d'Emmanuel Macron est marqué par un volontarisme très visible et très fort. Il y a le crime contre l'humanité pendant la campagne. Il y a la déclaration de reconnaissance... de la responsabilité de l'État dans la disparition de Maurice Audin qui en fait est une reconnaissance plus globale en 2018. Il y a la mission confiée à Benjamin Stora en 2020 sur une réconciliation avec l'Algérie. Donc il y a vraiment un activisme pratiquement mémoriel. Mais il y a quand même des évolutions qui lui sont antérieures. En 2012, le musée de l'armée a consacré une exposition à l'Algérie, conquête et jusqu'à la guerre d'indépendance. Les violences étaient complètement abordées dans cette exposition, qui était une exposition au musée de l'armée. Et le directeur du musée de l'armée à l'époque, qui était un militaire, si je ne me trompe pas, un général en retraite, hein, expliquait à l'époque que lui, il était d'une génération de militaires postérieure à cette guerre et qu'il considérait qu'il était normal de regarder ce passé comme tout autre. Sarkozy et Hollande n'ont pas été inactifs. Sarkozy, quand il était président de la République, il a fait plutôt des gestes vers les anciens, les pieds noirs nostalgiques, dont le nom des victimes de la rue d'Isly a été inscrit au mémorial, par exemple. Bon, ça, c'est des détails, mais voilà. Et donc, à partir du moment où ça devient un sujet très, très politique, un sujet de clivage, bah, du coup, on fait attention, on choisit ses alliés et on fait un geste envers tel groupe et pas les autres. Et voilà, c'est-à-dire, on choisit plutôt son camp parce que derrière, on veut donner telle image de la France. Une France plutôt où on réhabilite le passé colonial, une France fière de son passé, pas de repentance, etc. Alors il y a ces tractations électorales, puis après il y a les relations entre les deux rives de la Méditerranée qui compliquent encore plus les choses. Alors c'est quoi la place de l'historien lorsque des enjeux diplomatiques sont sur la table entre la France et l'Algérie ? Personnellement, je ne me vois pas du tout de place là-dedans. Pas du tout. Parce que je pense que les enjeux diplomatiques sont des enjeux à dimension multiple, dans lesquels je ne crois pas que le passé soit majeur. Je pense que des enjeux de sécurité face au terrorisme, des enjeux économiques comptent bien plus que le passé, honnêtement. Je serais un peu étonnée que le passé pèse lourd hein, face à des enjeux de sécurité ou des enjeux économiques ou des enjeux géopolitiques. Nous avons vu tous d'un très mauvais œil Jean-Claude Guérin que M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, aille s'agenouiller devant et déposer des gerbes devant le mémorial du FLN. Parce que ce sont quand même des assassins de soldats français. Et il y en a quand même 30 000 qui sont passés là-bas, sans compter ceux qu'on n'a pas retrouvés. Et il faut voir dans quel état certains ont été retrouvés. Enfin, les cadavres ont été retrouvés. Donc nous digérons très très mal cette chose-là. Donc le gouvernement n'a pas tendance à vouloir réconcilier les choses en agissant de la sorte. Oui. Et il semblerait que le gouvernement algérien voudrait que la France se repente de ce qu'ils appellent la colonisation. Je ne vois pas pourquoi on se repentirait de la colonisation. Mais les Algériens n'ont jamais demandé de repentance. Au sens où la guerre de libération nationale et l'indépendance a tranché la question. Entre la France et nous, l'histoire a réglé le problème du jugement sur la colonisation. La colonisation a été jugée et condamnée par la guerre de libération nationale 1962. Cette question de la repentance, elle a l'air de s'être imposée, elle a l'air d'être tout le temps là. Or, elle est... C'était le fonds de commerce du Front National. C'est ça, elle n'a pas été tout le temps là en réalité. Elle a été... avancée comme une façon de stigmatiser ceux que l'on accuse ensuite d'être les repentants. Donc on leur crée une étiquette, on les dénomme comme ça, on les caricature et ensuite on dit, vous voyez, c'est vraiment ridicule ce qu'ils font. Cette invention de la repentance, c'est quand même un outil formidable pour discréditer des historiens dont le travail serait de faire surgir des réalités mal connues de la guerre et notamment en mettant en avant les exactions commises par l'armée française et leur connaissance. Or, de fait, ça stérilise complètement le débat. C'est-à-dire que j'ai écouté Léa Salamé interviewer Benjamin Stora l'autre jour, et elle dit une grande partie de l'opinion algérienne veut des excuses. Mais alors ça doit lui paraître parfaitement évident, c'est parfaitement idiot. Idiot. Ça n'est pas un enjeu. Ça n'est pas un enjeu, ça n'est pas quelque chose qui est demandé par la majorité de la société algérienne, ou alors elle a des études qu'elle ne partage avec personne, mais en réalité, c'est une invention qui permet ensuite de dire « on va quand même pas s'excuser, vous voyez bien, on va quand même pas s'excuser ». Donc on invente quelque chose pour ensuite justifier sa posture. Ça nous évite de regarder le réel. Le réel, c'est plutôt que dans l'opinion algérienne, on s'en fiche un peu de savoir comment les choses se règlent à l'intérieur de la société française. Les politiques de mémoire sur la guerre d'Algérie, elles doivent prendre un autre tournant qui n'est c'est plus réparation, reconnaissance, etc. Ça doit être tout autre, une toute autre façon de faire des politiques de mémoire qui reste à inventer. Produire des outils qui permettent une meilleure connaissance, d'abord, parce que c'est une histoire qui est très méconnue, et pas que la guerre d'Algérie, hein, toute l'histoire coloniale, une meilleure compréhension, parce que c'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'il faut la connaître, mais il faut comprendre ce que c'était un système colonial, c'est quand même pas facile à comprendre, et après, de pouvoir donner des outils à ceux et celles qui veulent aller plus loin, pour qu'ils puissent s'en saisir, et à leur tour, vulgariser cette histoire, ouvrir de nouveaux champs, etc. Et ces outils, ils peuvent être multiples. Ça peut être des outils qui permettent de faire des projets culturels. Ça peut être des choses plus structurées comme un office franco-algérien pour la jeunesse, par exemple. Ça peut être des projets muséaux, des projets de mémoriaux, des projets de fondation qui, en fait, donnent des structures solides à qui veut s'emparer du sujet pour travailler. Et créer ces structures, c'est aussi... contrôler ce qui s'y passe. C'est pas dire qu'il faut une vision autoritaire des choses, mais ça veut dire qu'on racontera pas n'importe quoi non plus, parce que les historiens veilleront à ce que ça se passe bien. Est-ce que le rapport de Benjamin Stora, remis à Emmanuel Macron en janvier dernier, est de nature à pouvoir écrire, je sais pas moi, ça peut être la préface d'une nouvelle histoire qu'il faudrait raconter, justement ? Bah, après, c'est un rapport... qui est remis aux politiques. On va voir ce que le politique en dit et va en faire. Donc c'est un peu trop tôt pour dire ça. Moi, je pense que ça a le mérite de mettre les choses sur la table et de discuter de qu'est-ce que c'est une juste mémoire. On peut en discuter. Ça crée un nouveau moment dans la société française, comme il y en a eu d'autres avant, où on débat. D'autres historiens s'expriment. Les politiques s'expriment et ça permet d'en discuter. Est-ce qu'il faut une reconnaissance des faits ? Est-ce qu'il faut une reconnaissance des responsabilités ? Est-ce qu'il faut des réparations ? C'est tous ces débats-là que, du coup, on peut avoir de manière apaisée, tranquillement, démocratiquement, comme toutes les autres sociétés. Est-ce qu'on est obligé d'arriver à cette situation où ils vont tous s'asseoir ensemble et prendre le café et parler du bon vieux temps de concert sans aucun conflit ? Je sais pas si c'est très important, si c'est absolument nécessaire. C'est pas certain que la réconciliation de chaque individu soit indispensable. Ce qui est plus intéressant, c'est la question des groupes qui se constituent et de groupes qui se constituent et qui entendent peser sur la façon dont le passé est évoqué à l'intérieur de la société et de l'amener dans un sens plutôt que dans un autre. Là, ça commence à devenir plus problématique. Donc la question des associations, la question aussi de la jeunesse et de savoir comment elle est formée. Mais au fond, la réconciliation de chaque individu, c'est quelque part un peu utopique et pas forcément indispensable. Non, il est possible qu'un ancien parachutiste et qu'un ancien torturé ne puissent jamais prendre un café ensemble. Eh ben, ça me chiffonne pas tellement, finalement, au fond. quand Benjamin Stora parle de réconciliation de mémoire, c'est une illusion. C'est un mot à la mode. Réconcilier quoi avec quoi? Qu'est-ce que j'ai à réconcilier avec un pied noir? Qu'est-ce que j'ai à réconcilier avec lui? Lui, il vit son histoire avec ses traumatismes, etc. Et moi, je vis mon histoire avec mes traumatismes, etc. Qu'est-ce qu'on va pour réconcilier quoi? C'est-à-dire, je lui demande pardon, il me demande pardon. C'est-à-dire que je refais l'histoire et lui, de son côté aussi, il la refait. En fait, j'y crois pas à solder les comptes. Je crois à réparer les blessures. Enfin, quand je dis je crois à, pour moi, l'enjeu, il est là. Et je ne sais pas comment on peut réparer une absence de, à un moment donné. Et solder les comptes, c'est quelque chose qui concerne plutôt la relation entre États. Et solder les comptes, c'est une illusion, c'est tellement aussi exploitable politiquement que je ne vois pas comment on pourrait arrêter. Et puis, je vais même dire quelque chose, pourquoi ça devrait s'arrêter, en fait ? Parce que moi, il y a une chose que je pense souvent quand il y a des polémiques autour de cette histoire, et puis y compris quand c'est les anciens de l'Algérie française qui ont la parole, je me calme, parce que ça m'énerve, en me disant qu'après tout, on est dans une démocratie et c'est très bien. Et c'est très bien de débattre du passé. Et que je préfère qu'on en débatte, et y compris que des gens tiennent des propos qui peuvent me scandaliser, plutôt qu'on le taise. Et du coup, moi, toutes les polémiques ne me gênent pas. Bon, elles peuvent m'agacer parce qu'elles sont répétitives. Parce qu'en fait, c'est tous les 10 ou 15 ans, vous avez le même truc qui revient. On redécouvre des choses qu'on avait découvertes 20 ans plus tôt, mais qu'on a oubliées. Voilà. Donc, ça peut m'agacer. Mais finalement, c'est une des façons pour un passé de continuer d'être présent. Et moi, j'ai pas l'idée que le passé est absent, en fait. Vraiment pas. Parce que si vous comparez à l'Indochine, à Madagascar, à l'Afrique subsaharienne, ben, l'Algérie, c'est largement présent. Il faut voir quelle est la nature de la difficulté qu'on a eue dans les dernières années. Dans les dernières années, on a eu des hommes politiques qui ont tenu des discours un petit peu de briques et de broc. C'est-à-dire qu'on a eu des déclarations parfois assez courageuses sur la question de la colonisation, allant dans le sens de dire dans l'ensemble... coloniser un peuple, s'emparer de terre au loin, exploiter économiquement les gens, les soumettre à un système juridique inégal, ben dans l'ensemble, c'est pas très bien. Et puis, des marches arrière, ou des discours contradictoires, ou des discours comme si les hommes politiques voulaient aussi faire plaisir à d'autres groupes. Donc on a un discours qui, en fait, n'est pas du tout un discours cohérent. Le risque, un peu, dans un rapport qui propose comme ça une série de solutions possibles, c'est d'avoir des hommes politiques qui vont picorer dedans, en fait. Qui vont picorer dedans en poursuivant l'idée de faire quelques petites choses pour satisfaire les uns, quelques petites choses pour satisfaire les autres, et de se trouver finalement toujours un peu dans la même quadrature du cercle, qui est au fond, ben, comment on fait du commun avec des choses qui sont disparates. C'est-à-dire qu'à force d'être, de vouloir être ami, entre guillemets, avec tout le monde, on est ami avec personne. C'est un risque. Et on apparaît réellement incohérent. Et en particulier, on apparaît incohérent aux yeux du reste du monde, qui pour le coup voit bien que la société française et ces hommes et femmes politiques continuent à avoir une énorme difficulté à dire que dans l'ensemble, la colonisation, c'est pas bien. Voilà. Ça, cette question-là, de la condamnation un peu courageuse, non pas des individus qui ont participé à la colonisation, mais du processus colonial et de la domination d'un peuple par un autre, ça se voit que cette posture, elle n'est pas prise. Et c'est tout de même ennuyeux dans la société d'aujourd'hui. C'est ennuyeux, par exemple, lorsqu'on est face à des élèves qui, eux, voient bien la contradiction et posent la question et qu'on n'a pas grand-chose à leur répondre pour expliquer pourquoi dans la société d'aujourd'hui, française d'aujourd'hui, c'est toujours un problème, cette condamnation. Au moins, ce rapport, il aura eu pour but de rouvrir, je veux dire, un débat, je veux dire, sur la question coloniale, sur un aspect. C'est que l'origine de la guerre d'Algérie, c'est la colonisation. Et ça, c'est mon rapport qui le dit. Benjamin Stora, historien. Même ceux qui m'attaquent en disant que je ne l'ai pas dit, ils le disent parce qu'ils l'ont lu dans mon rapport. Le mot conquête apparaît 30 fois. Conquête de l'Algérie. C'est incroyable. Le mot massacre, le mot torture, le mot excuse apparaît 18 fois dans mon rapport. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les gens sont rentrés dans le débat de ce rapport avec des présupposés idéologiques. Ils sont rentrés dedans avec leur, avec tout un fond historique. Je veux dire, les pieds noirs. Avant même que j'ai écrit ce rapport, ils disaient, c'est un agent du FLN, il est avec les Algériens. Louis Alliot sort son tweet le jour de la publication de mon rapport, enfin la publication de la remise, Louis Alliot, en disant c'est une honte nationale. Le soir même, il a lu le rapport. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les anciens combattants algériens, ils sortent un truc 3 semaines après pour dire il est, je sais pas quoi, il ne raconte pas les crimes de la colonisation. Mais enfin. C'est hallucinant. Je veux dire, comment voulez-vous que je réponde à ce genre de truc? Parce qu'ils étaient partis, eux aussi, sur une orientation qui était celle de dire il n'y a qu'une seule population qui doit être prise en compte, une seule type de victime, c'est les Algériens, point final. Tous les autres sont à exclure. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas ceux qui étaient anticolonialistes, qui étaient du côté des Algériens, dans la complexité. Il n'y a pas les Juifs, il n'y a pas les Henri Alleg, il n'y a pas André Mandouze, il n'y a pas François Mauriac qui a dénoncé la torture. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas tous ces gens-là. Il y a un bloc. C'est le truc bloc à bloc. Moi, j'ai restitué des mémoires, j'ai indiqué des questions à résoudre, j'ai ouvert des pistes. Maintenant, soit on s'en empare, soit on rejette tout en bloc, on ne fera rien et rendez-vous dans 50 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ça? Quand je dis qu'il faut faire rentrer Gisèle Halimi au Panthéon, on me dit non. Bon, d'accord, passons à autre chose. Quand je dis qu'il faut ouvrir les archives et abroger l'IG 1300, vous voulez pas? Faut le rejeter? Ben, rejetez-le. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous voyez, quand je dis qu'il faut faire rentrer Ali Boumengel dans l'histoire officielle parce qu'il a été assassiné par l'armée française, on me dit non, il faut faire rentrer 1 million de martyrs. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Comment on peut faire pour combattre concrètement les choses? Sur quel nom de rue on met aujourd'hui? Moi, je propose qu'on mette Abdelkader à la place de Bugeaud. On me dit, ça ne sert à rien, je rejette. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va garder Bugeaud. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je propose qu'on fasse une stèle à Amboise, en hommage à la famille d'Abdelkader qui est enterrée à Amboise. Et les gens ne savent pas. On va faire découvrir qui est l'émir Abdelkader. C'est extraordinaire comme histoire. Non! On est contre parce que c'est Abdelkader appartient au patrimoine algérien. C'est le nationalisme étroit. C'est comme incroyable. C'est vrai qu'il faut aujourd'hui, les jeunes générations, elles ont besoin de savoir qui était Ali Boumengel. Elles ont besoin de savoir qui était l'émir Abdelkader. Elles ont besoin de savoir qui c'est le combat de Gisèle Halimi. Et à travers des exemples particuliers, vous tirez le fil et vous avez des histoires extraordinaires qu'il faut ensuite raconter dans des documentaires, dans des films, dans des noms de rues, etc. C'est-à-dire qu'au nom d'une radicalité absolue, on fait rien. Et dans le fond, on reste dans un entre-soi confortable. En disant, il se passe rien, on fait rien, on critique, on attaque l'État, on fait ce... Mais ils sont pas fatigués, les gens, de critiquer toujours sans jamais faire de travaux pratiques, sans essayer de se mouiller, sans essayer d'avancer, sans... Est-ce qu'on peut vivre dans un régime où il y a que la colère qui domine? C'est pas fatigant, ça. Je veux dire, il y a que la colère. Vous voyez, c'est... Ben à un moment donné, il faut trouver des solutions quand même. Il faut quand même trouver des pistes pour avancer, il faut avoir des passerelles. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on dit? Or, le fait de rejeter en bloc, disons, ce rapport, fait que bon, ben, il se passera rien. Aujourd'hui, on a besoin de tirer des choses réelles. Et c'est pour ça que ce rapport, il suscite autant d'interrogations, de débats, etc., etc. Mais, vous savez, j'ai l'habitude... Parce que quand j'ai écrit mon premier livre, c'était sur Messali Hadj. En 1978, Messali, il était considéré comme un traître par les Algériens. Parce qu'il avait trahi la révolution, etc. Aujourd'hui, l'aéroport de Tlemcen, il s'appelle aéroport Messali Hadj. 40 ans plus tard. Donc ça veut dire que les faits de l'histoire, à un moment donné, s'imposent toujours par rapport aux considérations idéologiques abstraites. C'est des faits. L'université de Sétif, elle s'appelle Ferhat Abbas. Comme je l'ai écrit en 1994, aujourd'hui elle s'appelle l'université Ferhat Abbas. 20 ans plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les noms des rues, ils changeront. Les disparus, on les trouvera. Vous voyez, c'est ça le truc. Et quelles que soient les critiques idéologiques qu'on peut m'adresser, bourdieusienne, foucauldienne, tout ce que tu veux, aujourd'hui, les gens retiendront que c'est par ce rapport qu'on saura qui est Ali Boumengel. Parce que personne ne sait qui est Ali Boumengel en France. Il ne faut pas se raconter d'histoire. On saura que c'était un juriste, un avocat, un homme de paix, un intellectuel, un ami de René Capitan, qui lui-même était l'ami, un élève de René Capitan, qui était lui-même ami du général de Gaulle, qui a été assassiné par l'armée française, et on dira, ils ont assassiné l'intelligence, la culture. C'était pas seulement un militant, etc. C'était un homme d'une extrême culture, Ali Boumengel. C'est ça qu'il faut connaître. Et c'est ça qu'il faut faire porter à la connaissance de la jeune génération. Les mémoires individuelles sont des formes de résistance individuelle. Ça fait que, quand même, jusqu'au bout, des gens tentent de dire ce qui a été le réel, c'est-à-dire ce qui ne va pas. Et que ça sera long, ça sera difficile, mais peut-être qu'on peut espérer que dans X années, enfin, il y aura un vrai travail d'analyse critique profonde sur l'histoire d'Algérie. C'est un travail de résistance souterraine, mais au bout du souterrain, peut-être qu'enfin, on verra un jour la lumière. C'était Algérie, les ineffables mémoires, récits individuels et récits nationaux, avec Zoé Lefkovitch, Max Paul Morin, Eliette Paris, Jean-Claude Guérin, Osni Kitouni, Malika Rahal, Thierry Rolando, Sylvie Thénault, Gérard Mordilla, Roger Hillel et Benjamin Stora. Algérie, les ineffables mémoires, Archivina, Hervé Evano, prise de son, Dofar Guéride et Jean-Louis Deloncle, mixage, Bernard Laniel, réalisation Somanina, coordination Marivonne Abolivier et Perrine Carvran, un documentaire d'Alain Lefkovitch, assisté d'Hélène Fabrini pour la série documentaire. Appelés, déplacés, colonisés, exilés ou anciens combattants, LSD, c'est tout pour cette semaine.